à propos de la critique téméraire du ministre australien des Affaires étrangères contre notre République, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 21 aux questions posées par un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée, comme ce qui suit. Il y a quelque temps, dans une émission, le ministre australien des Affaires étrangères a lancé des propos absurdes autour de nos mesures autodéfensives justes, en disant que la Corée menace gravement la paix de la région et du reste du monde, et qu'il soutient la politique envers le nord de l'administration américaine qui a tous les choix sur la table. Ces propos ont pour but de stonner les États-Unis, auteurs de la situation dangereuse créée dans la péninsule coréenne, leur politique d'austérité extrême et leurs menaces et chantages nucléaires contre la Corée, et de les inciter aux aventures militaires insensées. C'est là un acte contre la paix à jamais intolérable. L'actuel gouvernement australien suit activement et aveuglément la politique américaine et on dit que s'il fait un temps nuageux à Washington, les gens portent le parapluie à Canberra. Il n'est pas étonnant d'entendre de la part du ministre des Affaires étrangères d'un tel gouvernement de pareilles choses, mais s'il est le chef des diplomates d'un pays, il doit réfléchir d'abord avant de parler avec les connaissances élémentaires sur l'essentiel de l'état des choses. Si la situation de la péninsule coréenne est tombée dans un cercle vicieux de la tension et court de graves dangers, c'est entièrement à cause de la politique d'austérité anachronique des États-Unis contre la Corée et de leurs menaces nucléaires croissantes. Et si l'Australie continue à suivre les menées d'isolement et de suppression des États-Unis contre notre République et se montre comme troupe de choc de son suzerain américain, ce sera un acte suicidaire de se mettre volontiers à la visée du nucléaire de nos forces stratégiques. Avant de peloter aveuglément les États-Unis, le ministre australien des Affaires étrangères doit tenir compte des conséquences que causeront ses paroles.